Et si jamais la mer un de ces beaux matins montait jusqu'à Paris, nous apportait ses vagues, son accent, ses poissons, son parfum du midi, nous apportait quelques cigales avec un petit air de Provence, nous prêtait un peu de mistral et du soleil en avalanche. Ah, ce serait comme l'amour, tellement magnifique, un Paris méditerranéen, un Paris aquatique. On verrait des galets rouler sur la plage de la Concorde. Et si jamais la mer un de ces beaux matins montait jusqu'à Paris, nous apportait ses voiles, sa tramontane, son pastis un mercredi, on verrait les gosses des écoles jouer comme des fous sur les plages. On verrait des pins parasols qui se trompent de paysage. Ah, ce serait comme l'amour, tellement magnifique, un Paris qui sent la lavande, Paris qui basilique. On verrait des galets rouler sur la plage de la Concorde. Oui, si jamais la mer un de ces beaux matins montait jusqu'à Paris. Et si jamais la mer un de ces quatre vents montait jusqu'à Paris, la croisette et la promenade des Anglais aux portes d'Italie. On ferait notre tour Eiffel en caravelle d'un autre âge, fendre le boulevard Saint-Michel en s'écriant à l'abordage. Ah, ce serait comme l'amour, tellement magnifique, un Paris merveilleux, un Paris basilique. On ferait des galets rouler sur la plage de la Concorde. Ouais, si jamais la mer un de ces beaux matins montait jusqu'à Paris.